si ça ne va pas fort aujourd'hui, dites-vous bien que cela aurait pu être pire, vous auriez pu penser au bonheur des autres. Oui, alors je sais, c'est pas très avouable, mais puisqu'on est entre nous, on peut se le dire, être heureux ne suffit pas. Ce qui importe, c'est que les autres soient malheureux. Ce principe, c'est la notion que Freud a nommée la Schadenfreude, la joie mauvaise, à l'idée du malheur d'autrui. C'est un principe, en réalité, beaucoup plus puissant que les multiples méthodes proposées aujourd'hui pour nous apprendre à être heureux. Beaucoup de sages et de moins sages, des psy quelque chose, bref, des bonheurologues nous proposent d'éprouver le plaisir de la joie d'être heureux. Et à chaque coup, ça rate pas, ça rate. Si ces méthodes destinées à être heureux seules, en couple, pire, en famille et pourquoi pas en troupeau, si ces méthodes avaient la moindre efficacité, vous vous doutez bien que la consommation de psychotropes, de drogues et d'alcool aurait chuté. Si les méthodes de self-help, comme on dit aux États-Unis pour qualifier ce gigantesque rayon dans les librairies, si ces méthodes ne fonctionnent pas, c'est peut-être parce qu'on est trop angélique. En réalité, ce qu'il faut pour nous sentir bien, ce n'est pas seulement être heureux, c'est aussi et surtout savoir que les autres sont malheureux. Cette certitude, elle est bien antérieure à Freud. Aristote en avait déjà fait la remarque dans l'Éthique à Nicomaque. Chez Aristote, on trouve un mot nouveau, epikairekakia, un mot qui peut se traduire littéralement par « joie née du mal », un terme qui désigne cette vilaine émotion que ressent celui qui, loin de s'affliger du malheur des autres, s'en réjouit. Beaucoup de temps a passé depuis Aristote, mais ce sentiment demeure. C'est lui qui explique que l'on puisse rire bêtement quand quelqu'un tombe. Un sentiment tellement présent qu'il a donné naissance à des heures de programmes télévisés. Vous savez, les sottisiers, ces calamiteux sottisiers. Plus encore, si l'on en croit Spinoza, une bonne part de la compassion serait de la Schadenfreude. Ce serait une passion triste. On plaint quelqu'un pour sa souffrance, on prend de ses nouvelles, mais en réalité, en nous, une joie mauvaise bouillonne. La compassion serait ainsi bien souvent un sentiment ambivalent. En apparence, on se présente comme des êtres sensibles, prenant soin de l'autre, mais en réalité, on se pourlèche les babines des catastrophes, des drames de ceux qui nous entourent, comme l'écrivait Nietzsche. « Si l'homme a des raisons momentanées pour être heureux lui-même, il n'en accumule pas moins les malheurs du prochain qui suscitent en lui une joie maligne. » Et maintenant, bonne journée en espérant que celle-ci vous apporte votre dose de Schadenfreude.